Lundi 6 novembre, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Les échanges entre l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi, Michel Kafando, et le facilitateur Benjamin Mkapa ont abouti sur un projet de calendrier de la poursuite du dialogue inter-burundais sans en préciser la date, a souligné un communiqué sorti ce dimanche par le bureau de cet envoyé spécial au Burundi. Le ministère de l'Environnement procède au travail d'inventaire des terres domaniales de l'État et arrive à un niveau satisfaisant dans cette province du Burundi. Dans ce journal, vous aurez les précisions du directeur général de l'aménagement du territoire. Les filles burundaises sont capables de jouer au football, d'où il faut les soutenir. Ceci est dit par Liliane Chimirimana, présidente de l'Association des journalistes sportives du Burundi. C'est après la victoire des Intamba Murugamba filles contre les Sud-Africaines. Vous aurez les précisions dans ce journal et sera également l'invité dans ce journal mis en onde par Séraphine Hakizimana à la présentation Mirai Kanyange. Bienvenue. Oh bonjour, parlons coopération pour débuter ce journal. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Michel Kafando, a conclu sa visite de travail d'une semaine au Burundi. Cet ancien président burkinabé s'est entretenu avec le ministre burundais des Relations extérieures, l'ombudsman burundais, ainsi que certains acteurs nationaux et partenaires du Burundi. L'état de la coopération entre le gouvernement du Burundi et le système des Nations Unies en général était au centre des discussions entre Michel Kafando et ce représentant du gouvernement, l'ambassadeur Alain-Aimé Nyamitwe, et discussions avec l'ombudsman burundais portées sur le dialogue inter-burundais qui se sont accordés sur un projet de calendrier pour la poursuite de ce dialogue dans un communiqué sorti ce dimanche par le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général au Burundi. Michel Kafando s'est par la suite rendu à Dar es Salaam en Tanzanie afin d'échanger sur l'état du dialogue inter-burundais. Et ce sont, comme je le disais, se sont accordés sur un projet de calendrier ne précisant pas la date pour la poursuite de ce dialogue. Après ce deuxième séjour, poursuit le communiqué, il est prévu que l'envoyé spécial informe des résultats de sa mission au Conseil de sécurité le 20 novembre. Et les négociations entre le gouvernement du Burundi et le Haut Commissariat aux droits de l'homme sont en cours pour la réouverture du bureau de ce Haut Commissariat au Burundi. Cela a été dit ce lundi par Alain-Aimé Nyamitwe, ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération internationale. Il précise que ces négociations sont à un stade satisfaisant, même si certaines dispositions sont toujours sur la table des négociations. Il a dit après avoir rencontré Michel Kafando, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi. Je vous prie de le suivre. Il a été joint au téléphone par Thierry Mfayekurira. Ben, je ne sais pas quand exactement le bureau va commencer à fonctionner au Burundi. Bon, je voudrais simplement dire que le bureau est là. Le gouvernement a gelé la coopération avec ce bureau pour des raisons qui sont diverses, sur lesquelles je ne voudrais pas revenir. Mais je voudrais quand même aussi informer que le projet de texte que nous avons reçu de leur siège à Genève, nous avons travaillé sur un certain nombre de dispositions sur lesquelles on s'est mis d'accord. Il reste d'autres dispositions qui seraient même importantes, mais qui restent quand même aussi à discuter. Il reste quelques dispositions. Je ne voudrais pas les donner en détail pour des raisons de discrétion liées à la négociation qui est en cours. Mais je puis vous certifier qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'il y a la bonne volonté de deux côtés de parvenir à des solutions, disons, satisfaisantes pour pouvoir effectivement permettre à ce bureau de fonctionner dans les conditions et dans les normes qui sont généralement acceptables partout ailleurs. Vous pouvez dire à nos auditeurs que bientôt, justement, ce bureau va rouvrir ses portes. En ce qui concerne le gouvernement de Burundi, je pense qu'il n'y a pas énormément d'obstacles à part peut-être l'appel à plus de flexibilité de la part des négociateurs du côté de l'office du bureau du haut commissaire de l'homme. Bon, nous appelons à plus de souplesse de leur part et leur compréhension pour effectivement mettre en œuvre certaines dispositions qui sont, comme je l'ai dit, qui sont tout à fait différentes de celles qui sont acceptées ailleurs. Qui plus est, il y a aussi une autre dimension qui est celle de la mise en œuvre des deux résolutions qui ont été mises, citées par le Conseil des droits de l'homme à la session de septembre. Nous voulons simplement appeler ici au commissaire à un peu plus de célérité, un peu plus de clarté sur la voie à suivre par rapport à la mise en œuvre de ces résolutions. En ce qui me concerne, nous avons certainement montré notre préférence à la première résolution établie par le groupe africain et nous espérons que le commissaire va bientôt se mettre à l'œuvre ou à la mettre en œuvre. Alain-Aimé Nyamitwe, c'est le ministre burundais des Relations extérieures. Et vous vous rappellerez que le Burundi avait suspendu la collaboration avec ce commissariat le 11 octobre 2016, l'accusant de participer dans l'élaboration d'un rapport de 3 experts onusiens sur le Burundi. Un petit rectificatif avant de poursuivre ce journal. Eh bien, le projet de calendrier sur le dialogue inter-burundais n'a pas été conclu entre l'ombudsman burundais et l'envoyé spécial Michel Kafando, mais c'est plutôt entre le facilitateur Benjamin Mkapa et l'envoyé spécial Michel Kafando. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Poursuivons ce journal à 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro. Le niveau du travail d'inventaire des terres domaniales de l'État arrive à un niveau satisfaisant dans cette province du Burundi où il est mené. Le directeur général de l'aménagement du territoire et de la protection du patrimoine foncier, qui le dit, indique que le ministère de l'Environnement est en train de récupérer des terrains que les individus s'étaient accaparés illégalement. Je vous prie de le suivre au micro de Joseph Nsabiabandi. Quand on fait l'inventaire, il faut sous-entendre aussi la récupération des terres accaparées. Surtout, on a constaté qu'il y a le conflit des limites. Mais ce qui est surprenant, c'est toujours des terres d'autres. On n'a jamais vu des terres qui sont sous-estimées par les acquéreurs. Donc, imaginez-vous, par exemple, en quelqu'un qui aurait entre 2 ou 4 hectares, mais Siriterre, il ne cultivait que 15 ou 16 hectares. Qu'est-ce que nous faisons? Nous récupérons le Siriprus. Et lui, l'individu reste avec ses 4 hectares. Et aussi, il faut aussi comprendre qu'il y a aussi un travail de savoir l'état de mise en valeur des terres concédées. C'est différent à un travail d'inventaire. Et là, c'est un autre travail qui peut amener aussi à la résiliation des contrats. Est-ce qu'il n'y a pas des administratifs qui auraient donné plus de terres qu'ils en avaient le droit? Non seulement ça, il y avait même des administratifs non compétents qui se sont donné le droit d'octroyer des terres. Imaginez-vous, il y a un cas où les chefs de zone octroyaient des terrains, les administrateurs, après 1986, n'avaient plus le droit de donner, d'attribuer des terrains, mais c'est un cas courant qu'on rencontre sur le terrain. C'est la raison de l'inventaire. On doit récupérer ces terres qui ont été mal accaparées, c'est comme ça. Le directeur général de l'aménagement du territoire et de la protection du patrimoine foncier ajoute que pour diminuer les problèmes fonciers qui sont monnaie courante au Burundi, le gouvernement a mis en place un code de foncier de 2011 qui accorde au seul ministre de l'Environnement et au président de la République le droit d'attribuer des terres aux populations. Omer Nyonguru précise que l'État peut retirer l'autorisation d'exploitation aux acquéreurs des terres de l'État qui les utilisent pour des fins autres que celles pour lesquelles les avaient obtenues. Suivez-le encore une fois. Pour le moment, pour le code que nous utilisons de 2011, c'est le ministre ayant les terres dans ses attributions. Maintenant, on a supprimé le gouverneur. Le ministre ne peut pas, lui aussi, dépasser 25 hectares pour les terres rurales, tandis que pour les terres urbaines, il ne dépasse 1 hectare. Le reste, c'est le président de la République. Et vous comprenez que si un terrain depuis 2011 a été octroyé par une autorité autre que le ministre, autre que le président, après aussi l'avis de la Commission foncière nationale, ce terrain est voué à l'échec de possession. Qu'en est-il des personnes qui ont des projets à réaliser sur des terrains octroyés par l'État, mais qui se retrouvent avec de très grandes étendues qui dépassent ce qui est prévu par la loi? Dans ce cas, on peut quand même lui octroyer le terrain, mais dans la limite de la loi, on doit récupérer, voire même résilier le contrat. Le directeur général de l'aménagement du territoire et de la protection du patrimoine foncier fait savoir également que les terres domaniales de l'État vont désormais avoir des titres de propriété comme celle des particuliers. Parlons sport à présent. Les filles burundaises sont capables de jouer au football, d'où il faut les soutenir. Ceci est dit par Liliane Nshimirimana, présidente de l'Association des journalistes sportives du Burundi. Elle le dit après la victoire des Intamba Murugamba contre les Sud-Africaines samedi dernier lors du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde l'année prochaine en France. Suivez. Je dirais qu'il faut la prise en compte du genre au niveau des championnats. S'il y a par exemple un championnat national pour les femmes, comme on le fait chez les hommes, sans doute il y aura une valeur ajoutée. Donc, il faut qu'il y ait des compétitions comme on le voit chez les hommes. Il faut aussi le faire pour les femmes car on a constaté franchement que les femmes peuvent faire mieux. Imaginez-vous si notre équipe parvient à aller dans la Coupe du Monde de 2018. Est-ce que vous ne voyez pas quelque part que les filles auront fait une bonne chose qu'on n'était pas habitué ici chez nous? Liliane Chimirimana sera l'invitée de ce journal. En page sécurité, deux personnes, dont l'un des élus du quartier Kirema au chef-lieu de la province Kayanza, sont dans les mains de la police à Kayanza depuis le matin de ce lundi et sont accusés d'avoir tué à coups de bâton un homme non encore identifié qui serait, selon la police, un bandit. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Selon des informations émanant de ce quartier Kirema, cet homme faisait partie d'un groupe de bandits qui tentait de commettre un vol dans un des ménages de Sokat, repoussé par des veilleurs. Les autres ont pu prendre le large, mais cet homme, dont l'identité reste toujours inconnue, a été appréhendé, puis battu jusqu'à rendre son arme. Son corps a été jeté dans un ravin d'une des rues de cette localité. Au dimanche vers 9h, la police a acheminé son corps à la morgue de l'hôpital Kayanza. Deux personnes dont le chef de la sous-colline Rushia sur la colline Kirema où s'est produit ce forfait sont déjà dans les mains de la police pour question d'enquête. La police rappelle à la population qu'il est strictement interdit de se faire justice plutôt qu'il faut remettre aux forces de l'ordre tout malfaiteur afin qu'il soit sanctionné conformément à la loi. Rappelons que ce quartier est très fréquenté par des bandes il y a environ 3 mois. Un autre voleur a failli succomber aux balles tirées par des policiers qui assurent la garde d'une des autorités. Kayanza, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Page économie de ce journal à 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro. La tendance générale des cours du café de la bourse de New York est nettement baissière du fait que la production s'annonce très bonne en Amérique latine. C'est dans cette optique que l'autorité de régulation de la filière café du Burundi, Arfic en sigle, demande aux exportateurs du café de stopper la spéculation et passer à la fixation des prix dans l'immédiat pour tous les cafés qui sont sous contrat pour ne pas souffrir à la fois de mauvais cours et l'augmentation des intérêts bancaires. Jean de Dieu Mutawazi, directeur général de l'Arfic, suggère aussi aux exportateurs de diversifier leurs acheteurs pour ne pas dépendre toujours des mêmes acheteurs. La protection des bénéficiaires des services bancaires, la contribution des banques à la croissance et au développement de notre pays, l'amélioration de la gouvernance des institutions et établissements financiers, ainsi que le renforcement des pouvoirs de supervision de la Banque centrale sont certaines des innovations de la nouvelle loi bancaire numéro 1/17 du 22 août 2017 portant révision de l'ancienne loi de 2003 sont les précisions de la deuxième vice-gouverneure de la Banque de la République du Burundi, Anosiate Sendazilatsa. C'était ce lundi dans un atelier d'échange avec les médias. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En page internationale, aux États-Unis d'Amérique, une fusillade a éclaté dans une église au Texas ce dimanche et 26 personnes ont été tuées et 20 autres ont été blessées en République démocratique du Congo. La commission électorale a annoncé ce dimanche la date des élections présidentielles, législatives et provinciales. Ils se tiendront le 23 décembre de l'année prochaine. Elle était avec Florence Ndairagij. Selon la RFI, la fusillade s'est produite à 11h30, heure locale, 1h30 environ après le début du service dominical d'une petite église baptiste. Le tireur est arrivé vers 11h20. Il s'est arrêté d'abord à une station-service en face de l'église. Il est descendu avec un fusil automatique et a commencé à tirer d'abord dehors, ensuite dans l'église. Toujours par la RFI, 23 personnes sont mortes à l'intérieur, 2 à l'extérieur et la 26e à l'hôpital. Le tireur est aussi décédé après avoir tenté de s'enfuir. Lors d'un point de presse en fin de journée, la police n'a pas révélé l'identité du tireur. Et enfin, selon la Voix d'Amérique en République démocratique du Congo, la commission électorale a annoncé ce dimanche devant la presse et les diplomates que la date des élections présidentielles, législatives et provinciales se tiendront le 23 décembre 2018. La commission électorale avait jusqu'ici affirmé qu'il n'était techniquement pas possible d'organiser les trois scrutins avant avril 2019, mais avec pression internationale, trois scrutins auront donc lieu à une seule séquence qui est le 23 décembre. À la source, interview. Place à l'invité du journal, Liliane Nshimirimana, présidente de l'Association des journalistes sportifs du Burundi, s'exprime sur le football féminin. Elle est au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Liliane Nshimirimana, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association des journalistes sportifs du Burundi. Vous êtes entraîneur de l'équipe de volleyball à Bujumbura. Samedi, les Intambamurugamba féminins de moins de 20 ans se sont imposés 2-0 contre Banyana de l'Afrique du Sud. Comment est-ce que vous avez apprécié cette victoire des filles burundaises? Nous apprécions beaucoup le match qui a eu lieu ce samedi où les Intambamurugamba filles moins de 20 ans ont pu battre une équipe de grande renommée comme équipe de Banyana de l'Afrique du Sud. Vraiment, on a beaucoup apprécié les talents de nos filles pour avoir s'imposé 2-0. La autre chose que j'ai apprécié, nous avons remarqué une grande présence des femmes qu'on n'était pas habitué à voir au stade. Nos filles étaient vraiment soutenues de la part des femmes, mais aussi de la part des hommes. Il y avait vraiment un spectacle nombreux. Le match retour est attendu dans 2 semaines. Qu'est-ce qui doit être fait? Vous avez assisté au match. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Techniquement, nos filles sont fortes. Elles l'ont montré. Mais au niveau de l'endurance, il y a quelque chose, je dirais, qui manque. Alors, ce qu'il faut faire pour améliorer, il faut multiplier les entraînements. Et là, les encadreurs de cette équipe doivent voir comment améliorer au niveau des entraînements pour que nos filles puissent tenir du début à la fin. Par rapport à l'équipe Banyana, franchement, il faut le dire, il faut l'accepter. Les Sud-Africaines sont physiquement fortes par rapport. Il suffit de travailler physiquement. Sans doute, on va faire encore une fois des exploits comme on l'a fait ici à Bujumbura. Et en ce qui est disposition sur terrain, il n'y a pas à améliorer. Là, je me dis que l'entraîneur de l'équipe nationale du Burundi a vu comment on a aligné du côté des Sud-Africaines. Elle pourra être inspirée pour voir comment faire la défense, comment faire l'attaque, comment donc aligner ses joueuses pour qu'elles puissent garder le rythme et surtout maintenir le score. Au Burundi, il n'y a pas de championnat du football féminin. Des potentialités, il y en a. Et là, qu'est-ce qui devrait être fait, soit au niveau de la Fédération de football du Burundi, soit au niveau de la Commission du football féminin? Un appel est lancé à tout le monde, de la base au sommet, pour les dirigeants de la Fédération de football du Burundi, surtout pour la Commission de football féminin. Comme on le fait chez les hommes, il y a un championnat national, il y a la Coupe du Président. Donc, il faut se mettre ensemble, les dirigeants, les amateurs de foot, il faut qu'il y ait une implication de tout le monde pour aider nos filles à aller plus loin. Il suffit donc d'encadrer et d'encourager nos filles. Il faut aussi mettre en place des écoles de football comme on le fait chez les garçons. Les potentialités, je l'ai dit, on en a. Liliane Nshimirimana, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à Evariste Nzikobanyanga et l'invité du journal Liliane Nshimirimana, présidente de l'Association des journalistes sportifs du Burundi. Point final donc à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Un grand merci également à Séraphine Hakizimana qui en a assuré la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.